Mais pourquoi t'es parti avec eux? Pourquoi tu m'as rien dit? Pourquoi tu t'es enfui? Pourquoi maman t'en veut? Pourquoi quand j'ai crié papa, t'as baissé les yeux? Pourquoi ils t'ont emmené presque pas habillé comme un miséreux? Depuis ce jour-là, toutes les nuits, je me réveille en sanglots. J'ai presque plus d'amis à l'école, j'ai que des zéros. Tous les samedis après-midi, je me bats au foot. L'entraîneur a voulu me virer, je m'en fous, je l'ai envoyé se faire foutre. Dans le quartier, tout le monde me regarde de travers. Ça parle mal contre moi, je te jure, je suis vénère. Mais tout allait bien quand tu étais là. C'est quand que tu reviens, papa. Des mots, des larmes, plus de mots, des larmes. Sans sens et sans offense, cela ressemble à une sentence censée. Être un homme sans se perdre, censé. Conseil censé, sans changer, sans se perdre, c'est. Des mots, des larmes, plus de mots, des larmes. Sans sens et sans offense, cela ressemble à une sentence censée. Être un homme sans se perdre, censé. Conseil censé, sans changer, sans se perdre. 14 piges aujourd'hui, plus d'un an que t'es pas là. C'est mon anniversaire et j'ai personne autour de moi. Mon petit frère est né il y a 6 mois, il s'appelle Grégoire. Tu ne le connais pas, maman dit que c'est trop cher pour venir te voir. Je me suis fait virer, ils veulent me mettre en mécanique. J'ai un éduc sur les côtes, ici tout se complique. J'ai envie de tout, mais tout est trop cher. Tes potes hier nous aidaient, aujourd'hui c'est la misère. J'essaye de rester droit papa, mais c'est pas pour toi. Maman pleure tous les soirs dans mes bras, l'entraîneur m'a repris. Je jodis en équipe une, nos clubs me veulent. Mes grands pour ma seule fortune. Papa j'aimerais tant que tu me vois jouer. Mon rêve que tu sortes et que tu me vois à la télé. Des mots, des larmes, plus de mots, des larmes. C'est sans offense, cela ressemble à une sentence censée. Être un homme sans se perdre, censé. Conseil censé, sans changer, sans se perdre, c'est. Des mots, des larmes, plus de mots, des larmes. Sans sens et sans offense, cela ressemble à une sentence censée. Être un homme sans se perdre, censé. Conseil censé, sans changer, sans se perdre. Fils, ton daron a fait n'importe quoi. Ça partait d'un beau sentiment, arrondir les fins de mois. Toujours à la limite de l'honnêteté, jusqu'au jour où je l'ai dépassé. Facilité, rapidité, enfin trop vite dépassé. On ne se sent pas coupable, on se croit intouchable. Certains même prennent de la coke pour sentir invulnérable. Jusqu'à ce matin là, où ils ont fait sauter la porte blindée. Et qu'au commissariat, ils ont sorti tous nos dossiers. Enfermés à Clairvaux, c'est là que j'ai réalisé que les murets étaient bien plus épais que les liasses amassées. Mais j'ai rien dit, rien balancé, putain de code d'honneur. J'ai pris pour quelques-uns et tous les soirs ma famille pleure. Tu sais gamin, j'ai pas de conseils à te donner. Mais crois-moi sur parole, ne te fais jamais enfermer ici, c'est trop dur. Bien que je t'avoue que ma vraie peine c'est vivre bien loin de vous. Des mots, des larmes, plus de mots, des larmes. Sans sens et sans offense, cela ressemble à une sentence censée. Être un homme sans se perdre, censé. Conseil censé, sans changer, sans se perdre, c'est. Des mots, des larmes, plus de mots, des larmes. Sans sens et sans offense, cela ressemble à une sentence censée. Être un homme sans se perdre, censé. Conseil censé, sans changer, sans se perdre.